Extrait du 20 novembre. Toute la nuit, la pluie fine laisse entendre sa danse sur le toit de notre petit refuge et continue lorsque nous nous réveillons le matin. Après un moment d'hésitation et voyant que la pluie ne cesse pas, nous décidons de défaire notre campement et de poursuivre notre route. Toute la journée, la pluie nous accompagne. Je marche détrempé alors que Viviane se rit sous son parapluie qui nous sert de refuge aussi pour le bref casse-croûte de la mi-journée. Le mauvais temps rend notre expérience plus intime. Toute notre vie se déroule dans les 3 mètres carrés de notre tente. Et lorsque nous sortons, la protection de nos vêtements et du parapluie nous enveloppe dans un cocon isolé du monde. J'observe le paysage restreint par les nuages et les contours de la visière de ma capuche sur lesquels des gouttes ruissellent lentement. Les éléments nous entraînent vers une expérience plus intérieure. Aujourd'hui, nous nous rappelons avec nostalgie de la chaleur humaine et de l'hospitalité rencontrée au Chili et que nous n'avons plus ressenti depuis notre entrée en Argentine. Nos contacts avec la population locale sont pratiquement réduits au minimum vital et aux relations mercantiles. Aujourd'hui, nous passons à acheter 2 pains dans une maison. La transaction effectuée, la femme rentre immédiatement dans sa maison et nous avons l'impression de devoir lui arracher les réponses à quelques-unes de nos questions. Plus loin, nous passons saluer le garde-parc. Chez lui, il nous reçoit sur le pas de sa porte en espadrille. Alors que l'eau du ciel se déverse sur ma capuche et le parapluie de Vivienne, nous passons un bon moment à discuter dans cette situation cocasse. Un peu plus loin, nous en rions. Alors que nous sommes arrêtés sous le parapluie près d'un mirador, une voiture s'arrête et un garçon m'aborde en français. Nous échangeons quelques mots, mouillés. Et lorsqu'il me salue avant de repartir, nous nous rendons compte que nous sommes compatriotes auvergnats. Il est de Beaumont et a passé sa scolarité dans le même collège lycée que moi, Jeanne d'Arc. Encore une fois, le monde est petit. Un virage plus loin et nous apercevons le lac Falkner et le camping dont on nous avait vanté les douches chaudes. Nous nous arrêtons pour acheter quelques vivres et la chaleur du poêle nous retient à l'intérieur. Nous décidons d'y passer la nuit lorsqu'on nous propose de camper sous la véranda. Pedro et Chema, l'espagnol, nous y reçoivent comme à la maison et nous pouvons sécher nos affaires et profiter de la chaleur du poêle toute la soirée.